de 16 ans, mais je ne vais pas en boîte de nuit. J'ai plus de 16 ans, mais je n'ai pas de trou dans mes slims. J'ai plus de 16 ans, et je n'écris pas sur mon mur Facebook des citations provenant de films comme Requiem for a Dream. J'ai plus de 16 ans, mais je ne baise pas des filles dont je ne suis même pas amoureux. J'ai plus de 16 ans, et je ne suis pas fier. Mais suis-je vraiment normal ? Après tout, suis-je réellement normal ?